Les entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Fadjet, la radio. Moi, c'est Morgane et on est ensemble dans la nouvelle émission des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat féminin à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir la déléguée aux droits des femmes de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Madame Gartner. Bonjour. Avec nous également deux de mes collègues de France Active Lorraine, Landy-Laure Sansaigne, responsable de l'entrepreneuriat au féminin, et Julie Rambert, conseillère financement. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Morgane. Bonjour Morgane. Alors pour débuter, Madame Gartner, est-ce qu'on peut rappeler le contexte de la création d'entreprises chez les femmes et en présenter les principaux enjeux ? Alors le contexte, l'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause nationale de ces deux quinquennats. La parité 50-50, ou 50-50, est fixée à l'horizon 2030 au niveau européen. Donc l'entrepreneuriat féminin constitue l'un des piliers de cet enjeu. En France, on sait que ce sont que 32% des créatrices d'entreprises au plan national qui sont des femmes. La France, comme d'autres pays occidentaux, à une marge de progression sur l'entrepreneuriat au féminin. Je rappelle qu'une entreprise sur cinq en France sont dirigées par des femmes exclusivement, contre 63% par des hommes. Donc les inégalités entre les femmes et les hommes dans l'entrepreneuriat et à la direction des entreprises persistent bel et bien. On retient que les motivations des femmes pour entreprendre sont sensiblement les mêmes que celles des hommes. Enfin, sur les enjeux et principalement les enjeux, l'accord cadre national triennal 2021-2023 en faveur de l'entrepreneuriat féminin a été signé le 8 mars 2021 entre le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances et la BPI France et des grands réseaux bancaires privés, notamment la Fédération nationale des caisses d'épargne. Mais je pense que vous allez l'évoquer. Ceci s'inscrit donc dans cette optique, l'entrepreneuriat féminin doit être davantage encouragé et mieux accompagné. La diversité et la mixité dans l'entrepreneuriat sont source de richesse, de création de valeur et en toile de fond, d'égalité et de liberté. C'est aussi un facteur de performance économique. Il faut donc faire évoluer nos pratiques et mieux prendre part à cet important enjeu de société. Alors on voit bien que la création d'entreprises chez les femmes représente de nombreux enjeux. D'ailleurs, France Active a proposé récemment une enquête sur le sujet auprès de plus de 1000 personnes en partenariat avec BPI France. Landy-Laure, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui Morgane. Donc cette enquête a mis en avant deux points notamment. C'est qu'il existe vraiment une forte envie d'entreprendre chez les femmes et notamment chez les plus jeunes. Et il y a un deuxième point également qui ressort de cette enquête, c'est que l'entrepreneuriat permet vraiment de donner du sens à la vie professionnelle des femmes. Donc pour aller plus dans le détail, cette enquête a révélé que 32% des femmes étaient prêtes à créer leur entreprise. Et en fait, c'est plus d'une femme sur deux chez les 25-34 ans qui sont prêtes également à entreprendre dès maintenant. Autre chose également, c'est que 63% des femmes estiment vraiment qu'il est plus motivant de créer sa propre entreprise que d'être salariée. Et enfin, une femme sur trois voit dans la création d'entreprise une manière d'avoir vraiment un équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Et puis, pour finir, je dirais qu'il y a une chose aussi qui ressort de cette enquête, c'est qu'il y a un frein principal à la création d'entreprise chez les femmes, c'est la peur de l'échec. D'accord, merci Landy-Laure. Alors, et chez France Active Lorraine, combien de créatrices d'entreprises sont financées chaque année et quels sont les types de projets accompagnés ? Alors, chez France Active Lorraine, on finance chaque année 132 projets, donc enfin 130 environ projets. Donc ça, c'est pour l'activité globale et c'est deux tiers des projets qui sont portés par des femmes. Donc on est vraiment au-dessus de la moyenne nationale qui est de un peu moins d'une femme sur trois qui crée son entreprise. Donc on est sur deux tiers de femmes. Quelques autres chiffres également, c'est qu'au niveau de France Active Lorraine, en 2022, on a mobilisé 3,3 millions d'euros sur la garantie égalité femmes, dont on pourra parler tout à l'heure. Et donc cette garantie égalité femmes répond vraiment aux freins de l'inégalité d'accès au financement qu'on constate chez les femmes entrepreneuses. Sur la typologie des projets, Morgane, donc au niveau de France Active Lorraine, on a beaucoup de projets autour du bien-être et du care portés par des femmes. Donc il y a des instituts de beauté, des salons de coiffure, du service à la personne via des franchises ou encore des micro-crèches. Le commerce également, c'est un secteur où on retrouve des projets portés par des femmes, donc notamment des fleuristes, des épiceries, on a de la restauration ou encore des magasins de décoration. Et puis ensuite, il y a un panel de projets avec une orthoprothésiste qu'on a pu financer, par exemple, un projet autour du tourisme sur de la randonnée en vélo ou encore la reprise d'une auto-école. Donc, on a vraiment un panel assez large de types d'entreprises et avec un axe assez important autour du care. Voilà, c'est un peu genré, mais c'est une réalité aujourd'hui quand même dans la création d'entreprises chez les femmes. D'accord. Alors, Madame Gartner, on voit que les projets créés par les femmes chez France Active Lorraine sont essentiellement dans le domaine du bien-être et du commerce. Est-ce que c'est une tendance générale ou un phénomène plutôt local ? Et est-ce que la parité existe-t-elle vraiment dans l'entrepreneuriat ? Alors, effectivement, les femmes entreprennent dans tous les domaines, mais dans des proportions très différentes selon les secteurs. Donc, comme vous l'avez dit, les secteurs de la coiffure, de la beauté et du commerce sont surreprésentés au niveau des femmes. Et effectivement, on peut dire qu'elles sont absentes dans le domaine du bâtiment, des transports, de la réparation, de l'installation de machines et d'équipements industriels, où elles ne représentent que 6%. Mais aussi, ce sont des projets qui nécessitent plus de financement. Et donc, au plan national, on l'a dit, donc 32% de créatrices d'entreprises, sous toutes les formes juridiques confondues. Elles sont 39% donc en entreprise individuelle, elles sont 42% en micro-entreprise, 22% des créatrices d'entreprises sont installées dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et en moyenne, les tranches d'âge de les créatrices lorsqu'elles sont en reconversion, c'est en moyenne 40 ans. 21% des start-up sont fondées par des équipes de femmes. Et donc, la convention qui a été signée avec BP France et les 56 fonds d'investissement prévoit effectivement de diriger leur financement à hauteur de 30% vers ces start-up dirigées par les femmes d'ici 2030. Également, au chiffre d'affaires moyen réalisé par des sociétés commerciales, c'est une base sur 2017, hein, dirigé par les femmes, c'est environ 8,1 millions d'euros, dirigé par les hommes, c'est 15,7 millions d'euros. Par exemple, dans l'agriculture, une femme sur trois est active. Dans l'agriculture, c'est à peu près 500 000 femmes. Mais on dénombre que 111 800 chefs d'exploitation, soit 23,9%. Par contre, on sait qu'elles ont développé des compétences nouvelles et une vision différente dans la conduite de l'exploitation. C'est une diversification des activités, c'est la vente en circuit court, c'est l'hébergement touristique, par exemple, c'est les animations pédagogiques, et elles sont souvent plus tournées vers l'agriculture biologique. Justement, est-ce qu'on peut évoquer les principaux freins à la création d'entreprises chez les femmes ? Alors effectivement, vous m'indiquez donc sur la parité et les freins. Donc évidemment, il y a des progrès à réaliser, et on pourrait dire que la parité, elle est atteignable, puisqu'on voit effectivement sur les chiffres de France Active qu'on a là encore plus de femmes que d'hommes qui viennent. Mais pour lever l'ensemble de ces freins à l'entrepreneuriat féminin, cela nécessite d'aller bien au-delà. Voilà. Et on sait que les inégalités sont plus complexes et multiples que ça. Alors, par contre, les atouts des entrepreneuses, je reviendrai après sur les freins, mais il y a quand même des atouts des entrepreneuses. Leurs motivations sont différentes. Et la première priorité, c'est de donner du sens à leur vie professionnelle, c'est de travailler en cohérence avec leurs valeurs, avant même le désir d'indépendance. Et elles recherchent également un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Alors que bien souvent, les hommes qui entreprennent, eux, leur première recherche, c'est la performance économique et leur indépendance. Quand le soutien des proches fait défaut, la meilleure parade, c'est de s'entourer d'alliés, de pairs de confiance, et elles s'inscrivent dans un parcours similaire. C'est-à-dire que les femmes, elles saisissent plus que les hommes des formations et les accompagnements collectifs qui leur sont proposés par des organismes d'accompagnement à la création d'entreprises. Et vous êtes ici représentés. Elle constitue un réseau de femmes entrepreneuses et elle tisse des liens qui leur ouvrent souvent des nouvelles opportunités. Alors quant aux freins, les freins qu'elles traversent, eh ben c'est souvent des freins qui sont à l'image de notre société, c'est-à-dire au-delà effectivement du sujet de l'entrepreneuriat, mais qui ont des impacts majeurs. Les femmes disent souvent qu'elles ont été freinées par le manque de soutien de leur entourage. Parce que parfois, il peut s'agir d'une simple injonction de la part du conjoint de ne pas empiéter sur le temps dédié à la famille ou d'un doute formulé par un proche sur leurs compétences et leurs chances de succès. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et on le sait, un projet soutenu par l'entourage a plus de chances de réussir. Mais il est évident que des freins spécifiques à la création d'entreprises existent. Les femmes entrepreneuses démarrent avec plus de difficultés socio-économiques. En France, une femme sur deux a plus de chances de se voir refuser un prêt que les hommes et la difficulté d'accéder au financement est un principal obstacle. Des projets de moindre envergure et des plans de financement plus modestes, on l'a vu tout à l'heure avec les chiffres d'affaires. Des montants qui leur sont prêtés sont souvent inférieurs à 33% à ceux accordés aux hommes dans les mêmes secteurs d'activité similaires. Et puis se pose aussi toujours la question de la pérennité des entreprises. Donc dans un objectif de donner une chance à tous d'entreprendre, France Active Lorraine soutient depuis sa création en 2004 l'entrepreneuriat au féminin. Et c'est grâce à la garantie égalité femmes de France Active que 67% des projets de création de reprise d'entreprise financés en 2022 par France Active Lorraine est porté par des femmes, et ce qui montre vraiment une forte implication de l'association dans l'accompagnement d'entrepreneuriat féminin. Et je finirai par dire que les déléguées départementales aux droits des femmes et à l'égalité des départements 54, 55, 57 et 88 siègent au comité d'engagement et participent à la décision de toutes ces demandes de financement. D'accord, merci Madame Gartner. Alors, on a vu qu'il y a beaucoup de freins, mais le principal reste quand même l'accès au financement. Julie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que propose France Active Lorraine à ce sujet ? Alors effectivement, le problème, il y a ce problème-là. Donc pour faciliter l'accès aux prêts bancaires, pour soutenir la création, la reprise et le développement des entreprises, France Active a créé une garantie dédiée aux femmes. Cette garantie, elle existe déjà depuis plus de 20 ans. Elle permet de garantir le prêt bancaire jusqu'à 80% du montant emprunté. Du coup, le risque porté par la banque n'est plus que de 20% du montant emprunté, ce qui est vraiment rassurant pour la banque et ce qui va aider donc l'entrepreneuse à obtenir ce prêt. Nous accordons notre garantie aux femmes à condition que leur caution personnelle soit exclue, ce qui est rassurant aussi pour l'entrepreneuse puisque ça va lui permettre de protéger son patrimoine personnel. Il ne sera pas exposé. La garantie égalité femmes est limitée à 50 000 euros d'encours et elle peut garantir donc un prêt sur une durée de 7 ans. Elle peut garantir un prêt qui est dédié à des investissements, mais aussi un crédit de trésorerie, par exemple, quand il y a un besoin de fonds de roulement au début d'un projet de création. Toutes les femmes sont éligibles à cette garantie égalité de France Active. La seule condition pour bénéficier de notre garantie, c'est d'être inscrit comme demandeur d'emploi et chacune peut le faire. D'accord, merci Julie. Alors effectivement, France Active Lorraine propose une garantie bancaire spéciale pour les femmes, mais également d'autres choses, comme la mise en réseau. Landy Laure, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui Morgane, donc effectivement, en marge et en parallèle, je dirais plutôt, de cette garantie égalité femmes qui est l'outil phare de France Active Lorraine pour soutenir l'entrepreneuriat au féminin, on mène également un ensemble d'actions auprès des femmes pour qu'elles puissent se rencontrer, se tisser des liens, créer du réseau, comme le soulignait aussi Madame Gartner, c'est un élément vraiment important. Donc chaque année, on organise en fait des événements. À titre d'exemple, l'année dernière, on avait organisé un événement tout au top qui a permis de réunir une trentaine de femmes qui avaient un projet de création, qui étaient en démarrage d'activité, pour pouvoir passer une journée ensemble et connecter tout simplement autour d'ateliers qu'on pouvait leur proposer autour du pouvoir de l'image, là notamment sur celui dont je parle. D'accord. Donc pour résumer, France Active Lorraine propose un panel complet pour les porteuses de projets, donc de la garantie de prêt bancaire à la mise en réseau. Mais c'est bientôt la fin de l'émission. Et moi, Julie, ce que je voudrais savoir, c'est voilà, je suis une femme, j'habite Nancy et je souhaite créer mon entreprise. À qui dois-je m'adresser ? je te conseille déjà de nous contacter par téléphone, tout simplement, donc au 03 83 29 26 17 ou alors par mail sur contact@franceactive-lorraine.org et on t'expliquera comment monter ton dossier, c'est assez simple. Et puis, pour vraiment bien démarrer ton parcours de créatrice d'entreprise, je te conseillerais d'aller voir les organismes d'accompagnement. Puisque pour étudier ta demande, on a besoin d'un business plan. Et pour construire ce business plan, c'est bien de se faire entourer par des spécialistes. Cet accompagnement, le plus souvent, il est gratuit puisqu'il est pris en charge pour les demandeuses d'emploi par la région Grand Est. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter la région et à rencontrer un organisme. Il y a par exemple les consulaires, comme la Chambre des métiers pour les artisans, la Chambre de commerce pour les commerçants et la Chambre d'agriculture. Et il y a également d'autres associations et entreprises comme BGE, Alexis, Alaka. Vous pourriez aussi également aller voir Initiative France et le réseau Entreprendre qui peuvent vous délivrer des prêts d'honneur et vous aider à boucler votre plan de financement. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter, venez nous voir, nous travaillons ensemble en partenariat avec ces organismes et avec les banques pour réussir à vous aider à faire aboutir votre projet de création. D'accord, merci Julie pour toutes ces infos. Alors pour conclure, très rapidement, est-ce que chacune, vous pouvez nous donner un conseil à nous, auditrices, qui souhaitons se lancer ou si on hésite encore ? Landy-Laure. Eh ben, moi je dirais tout simplement d'avoir confiance en vos capacités, tout simplement, et de foncer. Je leur conseillerais de se faire accompagner et de ne pas hésiter à se faire bien entourer et de ne jamais baisser les bras. Alors je pense qu'effectivement... On est aussi confronté à un front de représentation et qu'il faut vraiment déconstruire là tous ces stéréotypes sans créer de nouvelles injonctions. Je pense que l'entrepreneuriat est vraiment véritablement accessible à toutes. Et la détermination d'une femme n'a pas de prix. Sa valeur, c'est ce qu'elle y met pour donner un sens à son projet. Et je crois que le challenge nécessite très souvent de redoubler d'efforts. Je citerai une citation de Gisèle Halimi, « L'indépendance économique des femmes est la clé vers leur libération ». Et ce sera le mot de la fin. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore à notre invitée, Madame Gartner, déléguée aux droits des femmes de Meurthe-et-Moselle. Merci à mes collègues, Landy-Laure et Julie. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau thème des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. En attendant, vous pouvez retrouver toutes nos actus sur nos réseaux sociaux, Facebook ou LinkedIn. Et si vous avez loupé une partie de l'émission ou vous souhaitez la réécouter en podcast, rendez-vous sur fadjet.net. Bonne semaine à tous.